Il m'arrive parfois de parler de Formule 1 sur cette chaîne, de temps en temps, et des fois même je parle d'histoire de la Formule 1, mais notre sport préféré a beaucoup changé depuis les années 1950, et parfois certaines émissions que je propose ont la fâcheuse tendance à ne pas vous replacer dans le contexte réglementaire sportif de l'époque, à la fois par souci de temps et par fainéantise, surtout par fainéantise. Voilà, je vais vous proposer cette sorte de guide qui va vous permettre de vous familiariser ou vous refamiliariser avec l'évolution du sport et arrêter de vous demander pourquoi Fangio il utilisait pas le DRS quand il allait chasser la Red Bull d'Alain Prost. J'espère que vous vous êtes jamais demandé ça quand même. Et promis, cette fois-ci, je vais parler d'histoire, mais pas en faire une série de 4 heures, même si vous semblez adorer ça. Pour ceux qui voudront creuser, qui connaissent pas trop un peu les vidéos plus historiques que j'ai faites, je vais ajouter en annotation des vidéos qui seront pertinentes pour approfondir les sujets évoqués pour ta culture et pour mes vues. J'ai été honnête, mais j'essaye de pas trop le dire. Le championnat du monde de Formule 1 est né à Silverstone en 1950. Ah, oh, ça va, je sais que beaucoup d'entre vous vont se vanter de déjà le savoir. Mais je rappelle qu'en 1950, la Formule 1 n'a rien de nouveau. Ah bah oui, hein. Les courses automobiles existent depuis des décennies en Europe, et pour avoir une vision aussi Claire Williams que possible du contexte, on va même reprendre au tout début. Les premières traces de la course automobile remontent à 1867, dans le nord de l'Angleterre. Kimi Raikkonen n'était même pas encore né à cette époque, c'est vous dire si ça date. Ce type de compétition devient de plus en plus populaire avec de plus en plus d'événements qui sont organisés autour de la course automobile. En 1901 se tient une course automobile à Pau qui va prendre pour nom le Grand Prix du Sud-Ouest. À l'origine, le Grand Prix, c'est un terme utilisé en cyclims ou en équitation pour désigner la belle récompense d'une épreuve. Et ce terme Grand Prix est utilisé pour la première fois dans la discipline et il va être utilisé naturellement au fil du temps pour désigner les courses automobiles les plus prestigieuses. Dois-je aussi préciser que le concept de circuit automobile n'est rien d'autre qu'un terme pour désigner la route à prendre entre le point de départ et le point d'arrivée entre deux villes, avec une distance allant en moyenne entre 50 et 100 km. Dans les voitures, il y avait deux places, une pour le pilote, donc celui qui tient le volant et qui joue avec les pédales, et une pour le copilote qui aura un éventail d'outils autour du cou pour pallier avec tout ennui mécanique, avec quelques jerrycans d'essence pour remplir le réservoir pendant la course, afin de ne pas tomber en panne. Je rappelle que c'est les tout débuts de l'automobile, déjà faire 100 km à pleine balle, c'est pas trop l'habitude. Alors on va pas non plus faire l'histoire de la course automobile, mais évidemment, on a les bases, et à partir de là, bah voilà, de plus en plus de monde veut participer, les innovateurs veulent créer les meilleures voitures de course, et évidemment, les plus fiables pour tenir la distance. La Formule 1, donc en tant que catégorie, tient ses origines dans les premiers championnats automobiles dans les années 1920, qui ont donc commencé à imposer des standards de performance qui vont différencier la simple voiture de ville à la voiture de course, ainsi qu'un semblant de règles pour que tout cela ait un sens. Et je soulève un très bon point de mon ami imaginaire. Non, on va pas du tout parler de l'histoire de la course automobile aux États-Unis parce que la Formule 1, c'est européen. Avec la Deuxième Guerre mondiale, la course automobile était le dernier des soucis de la planète, mais à partir de 1946, la course reprend progressivement et la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, réglemente plus sérieusement cette compétition qui prend le nom de Formule A. Voilà. Et tient sa toute première épreuve au Grand Prix de Turin 1946. C'est en 1949 que la discipline est renommée Formule 1 et le championnat du monde est créé en 1950. Wait, wait. I have a better idea. Melbourne, huh? Game on. Hey, Jensen, you better back up. We don't have enough road to reach 88 miles per hour. Roads? Any roads where we're going? But we do need a racetrack. Tu vois, donc déjà, même à partir de tout ce que tu pensais savoir, je t'ai déjà appris plein de trucs. J'ai peut-être explosé ton cerveau avec toutes ces informations, je m'en excuse. Donc je vais te décomposer tout ce que ça peut impliquer. Déjà, ça me permet de faire taire les petits malins d'entre vous qui défendent que Giuseppe Farina, le premier champion du monde de l'histoire de la Formule 1, est le meilleur rookie de tous les temps, parce qu'il a gagné pour sa première saison. Bah non, c'est pas vrai, parce que Giuseppe Farina, c'était pas du tout un débutant lorsqu'il a participé au championnat du monde de Formule 1 de 1950. Au contraire, Fangio, c'était un rookie puisqu'il a débuté en 1950. Farina, c'était déjà un des plus grands pilotes automobiles grâce à son palmarès passé, et il était même déjà un des favoris avant que le championnat du monde ne débute cette année-là. Cela implique aussi que si le championnat du monde est très court avec 7 épreuves, 6 en Europe et la 7ème aux 500 miles d'Indianapolis, histoire de dire que c'est un truc international, la Formule 1, c'est pas juste 7 courses dans la saison, bien au contraire. Il y a tout un tas d'épreuves de Formule 1, seulement elles ne sont pas toutes inscrites au championnat du monde. Ainsi, ce célèbre Grand Prix de Grande-Bretagne qui a ouvert le championnat le 13 mai n'était pas la première épreuve de Formule 1 de l'année. Il y avait déjà eu 4 courses à ce moment-là. Le 10 avril, on avait eu le Grand Prix de Pau, remporté par Fangio, et le Grand Prix de Goodwood, le même jour, oui, qui a été gagné par Reg Parnell. Au cas où t'es pas encore compris, je t'explique l'anecdote absolument géniale, cher internaute. Le même jour, en Formule 1, Maserati a gagné 2 Grands Prix. Différents. Dans 2 pays différents. Et puis, on a eu le Grand Prix de San Remo, le 16 avril, et le Grand Prix de Paris, le 30 avril. En gros, en 1950, il y a 7 épreuves au championnat, comme on l'a dit, et il y a 17 Grands Prix hors du championnat. Donc en gros, en 1950, il y avait plus de courses qu'aujourd'hui. Mais est-il utile de préciser qu'en termes de participation, l'assiduité n'est pas de rigueur? En effet, contrairement à aujourd'hui, rien n'oblige les concurrents à prendre part à toutes les courses du championnat, pas plus qu'aux courses hors championnat. C'est pour ça que les 500 miles d'Indianapolis, qui sont inscrites au championnat du monde de Formule 1, c'est un peu n'importe quoi parce que la plupart des équipes européennes n'avaient pas envie de se déplacer en outre-Atlantique pour une seule course, pas plus que les Américains en avaient quelque chose à faire de participer au championnat du monde de Formule 1, ils voulaient juste participer aux 500 miles. C'est pour ça que dans les années 50, il y a tant d'Américains qui ont gagné une course de Formule 1 parce que voilà, les 500 miles étaient une course de F1. Mais aussi, dans cette décennie, on a un tas de pilotes redoutables, renommés, qui ont gagné plein de courses, mais qui sont nulle part au panthéon de la Formule 1, parce qu'ils ont gagné des courses hors championnat, mais aucune en championnat. Petite dédicace à Stirling Moss, réputé comme le meilleur non-champion de l'histoire, qui a gagné 16 courses de championnat et 23 courses hors championnat. Donc en tout, Stirling Moss a gagné 39 courses de Formule 1. Pour information, Ayrton Senna, il en a gagné 41. Ah, ça a plus la même gueule, hein, le championnat dans les années 50, tout à coup, ça fait plus sérieux, hein. Parlons du championnat, justement. Le barème des points récompense les 5 ou 6 premiers, hein, en fonction des saisons, ça a changé rapidement. Ça paraît peu de récompenser que le top 6, mais il faut savoir que la fiabilité, comme je le disais, était vraiment précaire, et il y avait rarement plus de 10 pilotes au drapeau à damier. Une petite particularité est qu'on ne retient pas toutes les courses au décompte final du championnat. Pour rester aussi généraliste que possible, parce que chaque saison a eu ses spécificités, en fonction du nombre d'épreuves dans la saison, on peut vulgairement dire qu'on conserve 90% des meilleurs résultats de la saison. Mais au final, ça ne va impacter que les championnats de 1964 et 1988, où le pilote sacré n'a pas été celui qui a mis le plus de points sur l'ensemble de la saison. En 64 et 88, ça a été respectivement John Surtees et Ayrton Senna qui ont été sacrés, mais les pilotes qui avaient marqué le plus de points, c'était Graham Hill en 64 et Alain Prost en 88. Quant aux grilles de départ, elles sont établies par les meilleurs chronos des deux séances d'essai, du vendredi et du samedi. Il n'y avait pas de séance dite de qualification comme on a maintenant. Sportivement, s'il n'y a qu'un seul nom à retenir des années 50, c'est celui de Juan Manuel Fangio. Comme je le disais, le pilote argentin a débuté en Formule 1 en 1950 avec Alfa Romeo aux côtés du déjà très grand Nino Farina. Et tu as dû m'entendre dire d'ailleurs que Fangio avait gagné l'épreuve d'ouverture avec Maserati et que là, il court avec Alfa Romeo. Mais faut garder en tête que dans ces années-là, on n'est pas trop embêté par ces histoires de contrats, de médias ou de sponsors. Faut vraiment plus voir ça comme une compétition très ouverte avec une réglementation qui vient donner un sens au championnat. Et aussi à savoir, au même titre que les équipes n'ont pas d'engagement vis-à-vis du championnat, elles sont pas obligées de participer à toutes les courses, elles sont aussi libres d'inscrire à une épreuve, par exemple, 1, 2, 3, 4, 8 milliards de pilotes qui vont rouler dans leur voiture. Tout le monde fait à peu près ce qu'il veut, mais on a rarement plus de 3 ou 4 voitures dans une même équipe, parce qu'une voiture, ça coûte cher à produire et à mettre en piste. Et il est aussi primordial de comprendre qu'une équipe de course, c'est rarement synonyme de constructeur. Ah là là, attention, ça va faire fondre ton cerveau, ça. On a des constructeurs qui produisent des voitures, des moteurs, et qui participent ou non en tant qu'équipe. Donc, une équipe n'est pas synonyme de constructeur, parce qu'une équipe ne construit pas forcément sa voiture. Tu peux, par exemple, t'inscrire avec une voiture Maserati que tu vas donner à ton pilote numéro 1, une voiture Ferrari que tu vas donner à ton numéro 2, et à ton numéro 3, tu peux lui mettre un moteur Alfa Romeo d'une différente spécificité que les deux autres. Donc tu peux faire à peu près ce que tu veux à partir de là, et l'ensemble de ces voitures vont rouler sous le nom de Formule Blabla Racing, par exemple. Je reviens, je déposais le nom. Tu comprends donc pourquoi les années 50 sont dominées par les constructeurs Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes, parce que ce sont des professionnels de l'automobile qui sont vraiment spécialisés. Monsieur Ferrari est d'ailleurs très fier de son statut et n'hésite pas à se moquer des autres équipes en les qualifiant de garagistes. Ils font rien d'autre qu'acheter des voitures et les mettre en piste. Vous m'excuserez aussi si je dis que les voitures sont assez rudimentaires, alors ne vous trompez pas, hein, ça reste des bijoux de l'automobile, mais la performance se trouve essentiellement dans le moteur, et la bonne prise au vent de la voiture peut-être. Le rôle des pilotes est donc essentiel parce que c'est eux qui vont faire toute la différence dans les virages, et dans l'économie bien évidemment de la voiture. Je disais que Fangio c'est le caïd des années 50, il gagnait 5 titres de champion du monde, il a 2 places de vice-champion du monde, le tout en 7 saisons. Son pire résultat au championnat du monde, c'est deuxième. Il a aussi gagné avec 4 constructeurs différents, un record inégalé et quasi impossible à reproduire, tout comme le fait qu'il a gagné le titre de 54 en roulant pour Maserati, puis en changeant en courte saison en roulant pour Mercedes. Fangio va inspirer un demi-siècle de légende au moins, et il a conquis l'admiration de ses pairs par son talent naturel, sa terrifiante détermination et son esprit sportif, par exemple. Pour quelques petites anecdotes, en 1955, il n'a opposé aucune résistance à son coéquipier Stirling Moss pour le laisser gagner sur ses terres en Angleterre, en refusant d'admettre qu'il a ralenti pendant la course pour le laisser gagner. En 56, lors de l'épreuve finale en Italie, Fangio a abandonné, voilà, sa voiture a lâché, et son coéquipier et rival pour le titre, Peter Collins, a décidé de lui céder sa Ferrari pour qu'il aille gagner contre la Maserati de Stirling Moss. Ça nous permet de mentionner le fait qu'il était parfaitement acceptable de se relayer pendant une course en se partageant équitablement les points en fin d'épreuve. On va parler aussi un petit peu de l'évolution des circuits, parce qu'on commence vraiment à dessiner un chemin très clair à parcourir, et on part pas du tout, pas forcément d'un point A pour arriver à un point B, mais on fait un nombre de tours d'un tracé, d'une boucle qui va être définie auparavant, et on va faire un nombre de tours pour faire un total d'à peu près 300 km. Si ton circuit fait 10 km et que tu veux faire une course de 300 km, et bah tu fais 300 tours du circuit. J'ai vérifié ça sur Google à l'instant. Pour conclure, avec quelques autres grands noms des années 50 à retenir, on a Alberto Ascari, le premier champion Ferrari, qui va tragiquement perdre la vie lors d'un accident lors d'un test. Je mentionnais Stirling Moss, encore aujourd'hui détenteur du plus grand nombre de victoires sans le moindre titre. Et quand on saute à la fin de la décennie, on va retrouver des Jack Brabham, par exemple, un ancien mécanicien dans l'aviation australienne. Brabham a apporté son expertise à son équipe Cooper, et il a remporté le titre en 59 et 60. L'équipe Cooper s'illustre justement avec l'introduction majeure des moteurs arrière. La physique des voitures est plus efficace, tout comme la propulsion d'énergie dans les roues. Est-ce qu'il faut vraiment que je te dise qu'aujourd'hui, toutes les Formule 1 ont leur moteur à l'arrière? Eh ben ça, c'est grâce à Cooper. Jack Brabham va même lancer sa propre écurie et gagner un titre avec son équipe en 1966, et son petit poulain en fera de même pour suivre ses traces. Je parle du très jeune Bruce McLaren, qui va, comme tu le devines avec son nom, laisser une trace indélébile dans l'histoire du sport auto, en laissant son nom à une écurie qui perdure encore aujourd'hui, avec un héritage aux États-Unis et un statut de légende en Formule 1. Malgré son talent, Bruce n'a pas eu beaucoup de réussite en tant que pilote, mais il a gagné le Grand Prix de Belgique en 68 avec sa propre voiture à son nom, et il a aussi gagné les 24 heures du Mans avec Ford. Sicuro, veloce, aderente, flessibile. È straordinario il cinturato Pirelli. Non ho mai trovato un pneumatico di normale produzione con una miglior tenuta di strada. Cinturato è solo Pirelli. Les années 60 sont justement une des plus grandes ères de révolution technique. Si tu dois retenir qu'un seul nom, c'est celui de Colin Chapman, fondateur de l'écurie Lotus et ancien ingénieur dans la Royal Air Force, rien que ça. En 1968, il décide de transformer ses Formule 1 en avion, en y ajoutant des petites ailettes pour offrir plus de vitesse en virage. 10 ans plus tard, quand tout le monde a bien copié ce système, eh bien Chapman, il est pas content parce que ses ailerons, ils sont très efficaces en virage, mais ça fait un effet parachute en ligne droite. Du coup, il décide de réduire leur importance en faisant tout le travail aérodynamique sous la voiture, en créant une aile d'avion inversée, parce que si on veut qu'un avion ça décolle, bah on veut qu'une Formule 1 ça reste au sol. Et en créant un tunnel Venturi sous ses Lotus, eh bien, il va créer la Formule 1 à effet de sol. Chapman, c'est aussi zéro compromis. Ses voitures sont toujours folles, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, mais elles sont aussi parmi les plus dangereuses. C'est aussi zéro compromis financier parce qu'il accepte de casser la tradition de porter la couleur verte attitrée aux équipes anglaises en offrant sa voiture pour promouvoir une marque de cigarettes qui va l'aider à financer ses inventions. En gros, si tu dois retenir un truc de Colin Chapman, c'est que le mec, il a inventé les ailerons, les sponsors titres sur les voitures, ainsi que le fameux effet de sol qu'on a tant exploité pour la réglementation de 2022. C'est très dur de résumer les années 60 où il se passe plein de trucs, donc parlons un petit peu des pilotes aussi, parce qu'avec Chapman et Lotus, on ne peut pas détacher le nom d'un des plus grands pilotes de tous les temps, Jim Clark. Le pilote écossais était une machine à gagner, et son palmarès impressionnant et terrifiant lorsqu'on prend en compte tous les abandons sur fiabilité de sa Lotus. 72 Grands Prix et 44 arrivées. Sur les 44 arrivées, c'est 25 victoires. Ce ratio est absolument monstrueux. Et ne parlons pas de ses 19 victoires sur 38 arrivées en hors championnat et dans toutes les compétitions existantes en Amérique et en Océanie. Il sera aussi le seul pilote à gagner les 500 miles d'Indianapolis et le titre de Formule 1 la même année. La seule petite étoile qui lui manque à Jim Clark, c'est une victoire à Monaco, hein, le grand prix le plus prestigieux de la Formule 1. Ça me donne l'occasion de parler de son plus grand rival, Graham Hill, surnommé Mister Monaco, avec 5 succès là-bas. Graham est aussi au panthéon du sport en étant le seul à avoir été coiffé de l'honorifique triple couronne, en gagnant les 3 courses les plus prestigieuses, à savoir les 500 miles d'Indianapolis, le Grand Prix de Monaco et les 24 heures du Mans. Une autre star de Lotus, c'est l'Autrichien Jochen Rindt, un diable rapide, parfois trop agressif et trop argumentatif, mais un personnage très populaire. Mais avec les évolutions techniques et la prise de vitesse folle des Formule 1 après l'introduction des moteurs 3 litres en 66, la Formule 1 est devenue plus dangereuse que jamais. Clark meurt en 68 alors qu'il était au pinacle de son art, Rindt en 70, quelques courses avant d'être sacré champion du monde, la même année que Bruce McLaren va se tuer lors de tests privés. L'hécatombe de ces années-là, et le manque de considération des organisateurs et de la FIA pour la sécurité des pilotes, va encourager Jackie Stewart à prendre le flambeau. L'Écossais impose son nom comme un des révolutionnaires de la Formule 1. Si la mort de Jim Clark était une claque pour la communauté du sport auto, Stewart est le premier à oser affronter l'opinion publique et se faire de nombreux ennemis en exigeant l'amélioration des conditions de sécurité. Ces années sont de vraies boucheries humaines sur les circuits et la mentalité des paddocks a très peu évolué. Les pilotes sont tous proches, leurs épouses font aussi partie de la famille de la Formule 1 puisqu'elles passent leur week-end à tenir les chronos plutôt qu'à angoisser dans leur coin. C'est une immense famille, la Formule 1, avec une roulette russe qui va décider, une fois par semaine, quels membres on va enterrer. Wouh, ambiance! Mais Stewart, c'est aussi un révolutionnaire dans le sens où c'est peut-être le premier vrai professionnel. En plus de son talent, comme Fangio, il va apprendre à trouver la limite de sa voiture et à rouler juste en dessous, pour s'assurer que sa mécanique, elle aille jusqu'au bout, tout en étant très rapide. Mais son professionnalisme, bah, c'est que la veille des courses, il va se coucher très tôt, suivre un rituel très sain pour avoir l'esprit parfaitement clair. Alors ça peut sembler évident hein, quand on parle de Formule 1, mais je te rappelle qu'on parle d'une époque où les pilotes y finissaient leur clope avant de monter dans la bagnole, ou parfois même dedans, et James Hunt, par exemple, était très célèbre pour arriver avec la gueule de bois dans la voiture le dimanche. Mais en plus de ça, Jackie Stewart, c'est aussi un révolutionnaire parce que c'est un playboy qui soigne son image, son apparence. Il va signer des contrats de sponsoring très lucratifs qui va permettre aux marques d'être vues sur une star du sport automobile. C'était encore inédit à l'époque. Et faut-il mentionner ses 3 titres et le record de 27 victoires qu'il a établi à l'époque en 99 Grand Prix pour comprendre que c'est une légende de la Formule 1. Non, c'est bon, t'as compris, super. You know, I've stopped racing, but I'm still impressed by exciting cars, like Ford's brand new Capri 2. It's got a new rear door that makes loading easy, and both rear seats fold down for 100% more luggage space. Try Capri 2 yourself. It's a great car. You never want to get out of the driving seat. Ford Capri 2. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Fangio, Clark et Stewart, 3 légendes indiscutables lorsqu'on est fan de Formule 1 dans les années 70. Mais les années 60, 70, 80 sont aussi tellement disputées qu'il est criminel d'oublier le double champion du monde Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, légende de la course automobile et champion en 78, le super suédois Ronnie Peterson. Mais la pépite sportive des années 70, c'est le duel Lauda-Hunt en 76 qui verra bien évidemment la naissance du film Rush en 2013. James Hunt, c'est une rockstar, un personnage hors norme, et c'est peu dire dans une époque qui est déjà hors norme. En piste, il est tout autant incroyable à regarder, et son titre en 76 marque le pinacle du sport automobile jusqu'alors, parce que face à lui, Niki Lauda entre dans la lignée du Panthéon suprême. Sa compréhension aérodynamique qui manquait cruellement à Ferrari contribue au retour du cheval cabré, son intelligence de course lui sert 2 titres sublimes en 75 et 77, mais il sera surtout connu pour son crash en Allemagne en 76. Survivant après 40 secondes à brûler dans sa voiture, Niki Lauda revient 6 semaines après son accident, le visage défiguré, encore ensanglanté pour défendre son titre. Il refuse de rouler lors de la dernière manche qu'il juge trop dangereuse, mais il n'aura pas besoin du 3e titre qu'il remporte en 84 pour mériter son statut de légende, car de toutes les histoires les plus incroyables du sport auto, Lauda a certainement la plus unique et la plus admirable. La décennie voit donc le retour de Ferrari, l'émergence de McLaren, les derniers succès de Lotus et des évolutions techniques sublimes comme l'effet de sol que je mentionnais plus tôt. C'est aussi quelques équipes qui s'amusent à coller 6 roues sur leur voiture. La seule qui va vraiment le réussir, c'est l'écurie Tyrrell, en gagnant une course avec Jody Scheckter en 76 avec sa Tyrrell P34. Mais peut-être que la plus grosse évolution de ces années-là, outre l'effet de sol, c'est les moteurs turbo apportés par l'écurie Renault. Ces moteurs vont indirectement changer la face de la Formule 1, parce que les autres constructeurs vont essayer de les imiter. Mais à part Renault, on a juste 2 constructeurs à cette époque, Ferrari et Alfa Romeo. Les garagistes, quant à eux, sont tous, à 1 ou 2 exceptions près, motorisés par Ford. Mais Ford n'a aucune envie de développer le turbo pour suivre les autres, ce qui crée une réelle disparité sportive à la fin des années 70 et début 80. C'est là qu'émerge un des plus grands noms du sport, celui de Bernie Ecclestone. Manager de l'écurie Brabham qu'il avait racheté, il prend une part politique importante en achetant les droits télévisuels de la Formule 1. Avec la démocratisation du média et le succès du sport, il fait un pied de nez aux télévisions qui doivent désormais non seulement lui payer une belle somme pour diffuser la Formule 1, mais aussi les force à diffuser toutes les courses du championnat. Pour résumer, Ecclestone a dit à toutes les télévisions, désormais, si vous voulez diffuser les courses, eh bien il faut passer par moi, me payer un gros chèque et s'engager à diffuser toutes les courses de la saison. Et pour ça, on peut le remercier sincèrement. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que les autres équipes n'ont pas voulu investir avec lui, donc c'est lui qui récolte tous les bénéfices. Mais aussi Ecclestone, c'est celui qui va se révolter contre cette injustice économique et mener à la création de la FOCA, une association des constructeurs, qui va exiger que les organisateurs des Grands Prix payent les équipes pour venir sur les tracés et encourager le boycott de plusieurs Grands Prix contre la FIA. Le conflit va monter au créneau et va durer quelques années pour déboucher sur une entente, les accords Concorde. Il en ressort que la FIA gardera un total contrôle du règlement technique et sportif, et en échange, Bernie va pouvoir conserver les accords financiers avec les télévisions. Et puisque Bernie est de bonne foi, il va créer la FOM, la Formula One Management, qui va me poser beaucoup de problèmes quelques années plus tard sur YouTube, mais la FOM va aussi s'engager à reverser une part des bénéfices aux équipes de Formule 1. Une part qui sera régulièrement renégociée et qui offrira de belles disputes politiques à chaque fois. You can't buy better petrol than Texaco. I know. Would you like me to put some Texaco in it? You mean you haven't put any in yet? No, not yet. Well, what's in it then? Holly, you at the moment, Sunbeam. Holly, you at the moment. Did you hear that? Holly, you at the moment, sir. Ah, that's a spare. You can trust Texaco. The world champion does. He's smiling. Get off, he's looking annoyed. But the river's on Babylon. There we sat down. Yeah, yeah, we were. C'était bien fastidieux cette affaire, mais c'est pour nous aider à mieux comprendre que le passage dans les années 80 est marqué par une bureaucratisation exponentielle de la Formule 1. Avec plus d'entrées d'argent, on a logiquement des coûts qui augmentent, avec des équipes qui vont embaucher de plus en plus de monde, et demander logiquement des usines de plus en plus grandes qui vont marquer le début de la fin des garagistes, des indépendants, puisque désormais les équipes sont toutes obligées de fabriquer leur propre châssis, bien qu'elles puissent toujours être clients d'un motoriste. Je précise aussi que depuis les années 70 environ, le nombre de courses totales d'une saison a augmenté, on est à peu près à 15-16 Grands Prix par saison. Avec des équipes grandissantes, eh bien les membres du paddock perdent leur unité et vont se sectariser au sein de leur propre équipe. On ne part plus en vacances entre champions comme Jochen Rindt et Jackie Stewart. Les épouses n'ont plus besoin de tenir le chrono parce que désormais on a un partenaire spécialisé qui s'en occupe. Et l'esprit de compétition devient de plus en plus intense. Il l'était déjà auparavant, hein, te trompe pas. Mais là on atteint une nouvelle étape. Et cela vient avec l'amélioration des conditions de sécurité. Un championnat de mieux en mieux organisé et une popularité exponentielle qui renforce son statut de catégorie reine du sport auto. Je disais qu'il y avait de moins en moins d'indépendants, pourtant paradoxalement c'est l'année 80 qui voit l'émergence de la troisième plus grande équipe de l'histoire en termes de titres cumulés. Je parle de l'histoire de l'écurie Williams, qui est pour moi une de celles qui me touche le plus, une de mes préférées, je vais vous joindre un petit peu d'auto-promo en annexe. Mais l'équipe britannique s'impose à plusieurs reprises et va dominer quelques saisons, dont la saison 87 qui voit la lutte entre ses deux pilotes, Nelson Piquet, l'un des trois géants des années 80 qui deviendra triple champion du monde en fin de saison 87, et Nigel Mansell, le moustachu combattant aussi rapide que Poissard, et maladroit aussi, qui devra attendre sa 12e saison pour remporter enfin un titre. Et si je disais que Piquet est un des trois géants de cette époque, c'est uniquement parce qu'il est impossible de battre la trace laissée par Ayrton Senna et Alain Prost, et leur duel légendaire de 88 à 90, passant deux saisons en tant qu'équipier chez McLaren avant que Prost ne passe chez Ferrari en 90. Le pilote brésilien va marquer profondément son temps et l'histoire, et sera même considéré comme le meilleur pilote du monde à l'époque, grâce à son insultante pointe de vitesse et son insolente agressivité en piste, qui contraste avec des décennies de pilotes qui faisaient autant d'efforts que possible pour pas s'entretuer, grosso modo. Mais en plus de ça, c'est une personnalité envoûtante et mystérieuse, à la fois juvénile et innocente, rêveuse, mais aussi passionnée et obsédée par la victoire. Pour beaucoup, ce personnage si renfermé et timide qu'était Ayrton Senna ne s'était fixé arbitrairement qu'un seul ennemi, celui qu'il considérait comme le meilleur pilote de la Formule 1, et impossible de lui reprocher d'avoir choisi Alain Prost, qui semblait parti pour décimer tous les records avant que Senna ne le rejoigne. Mais la lutte Senna-Prost, c'est du sale, c'est des coups bas en piste de l'un, des coups bas médiatiques de l'autre, les deux sombres dans la parano, au plus puéril bassesse, mais pour le plus grand plaisir des spectateurs. Comme des centaines de milliers d'automobilistes, quand j'ai un problème de pot d'échappement, moi je fais confiance à Midas. Champion Midas! Chez Midas, ils ont l'esprit Formule 1. Ils travaillent vite et bien. 30 minutes pour changer un pot d'échappement. Champion Midas. Yeah, comparaison, les années 90 sont un énorme coup de froid avec la mort de Senna. Beaucoup ne peuvent plus apprécier la Formule 1 après avoir vu celui qu'on considérait comme le meilleur de tous mourir dans un mur à cause d'une bête faille mécanique. En plus de cela, de plus en plus d'équipes historiques disparaissent, les contraintes réglementaires font que les voitures se ressemblent de plus en plus, et les polémiques continuent dans tous les sens. 1994 marque un tournant avec l'autorisation des ravitaillements en essence pendant la course, et l'interdiction des aides électroniques qui faisaient la réussite de Williams, ainsi qu'avec l'émergence de Michael Schumacher. Ce dernier domine mais suscite de nombreuses polémiques en étant particulièrement provocateur en piste. Il subit quelques grands prix de disqualification cette année-là, et son titre remporté suite à son crash avec Damon Hill lors de la dernière manche rappelle un peu trop la fin de saison 90 où Senna avait été titré en fonçant volontairement dans Prost dès le départ. En 97, Schumacher réitère ce type d'incident, mais non seulement cette manœuvre échoue, mais en plus il est disqualifié. Ce contexte difficile, couplé à l'introduction de mesures de sécurité pour ralentir les Formule 1, comme par exemple les pneus rainurés, rend la Formule 1 de moins en moins supportable pour certains. Pourtant, les saisons 97 à 2000 verront de belles luttes mondiales pour divertir le public, et le nom à ne pas oublier est peut-être celui de Mika Häkkinen au volant de sa McLaren argentée, considéré comme l'un des plus rapides de sa génération et peut-être le seul digne rival de Schumacher. Et un championnat qui prend désormais toutes les courses de la saison en compte, les années 90 standardisent d'autres mesures de sécurité avec les crash tests obligatoires et de plus en plus stricts, ainsi qu'un contrôle plus sévère de tous les circuits du calendrier qui doivent se conformer à de nouvelles normes. Les équipes sont désormais habituées à faire rouler deux pilotes depuis près de 10 ans, même si on garde toujours une troisième voiture dans le garage. On va l'appeler généralement la voiture de réserve ou le mulet. Cette voiture était généralement réglée pour le pilote dit numéro 1 de l'équipe et elle permettait d'avoir un réglage totalement différent si jamais on voulait changer de voiture. Mais elle était aussi là au cas où un drame rende la voiture principale inutilisable au départ. Et en cas de drapeau rouge et de nouveau départ, on avait l'opportunité d'avoir une voiture de secours, tout simplement. Ça y est, les qualifications sont inventées. On conserve bien évidemment les séances d'essai pour s'entraîner, pour se préparer, mais la séance de qualification, elle, sert uniquement à établir la grille de départ et à éliminer les pilotes qui seront jugés trop lents. And Damon Hill leads into the first bend. Murray. There's been a shunt. It's Hill. Murray, we're just out for a quiet pizza. Stop commentating. Sorry. We'll have a pepperoni, please. And here comes the pasta. It's a pizza, Murray. Hill's going for it. And he's spun his pizza through 180 degrees. Pepperoni and cheese stuffed crust from Pizza Hut. It'll turn around the way you look at pizza. And Hill finishes second again. Watch it, Baldy. Les années 2000, c'est le retour de la période d'or de Ferrari. Depuis la mort de son fondateur, l'équipe était de plus en plus désorganisée et l'arrivée de Jean Todt à sa tête va tout remettre à sa place. On recrute les meilleurs ingénieurs du plateau en 95 chez Benetton avec Schumacher, le double champion du monde en titre de l'équipe. Schumacher, Todt et l'ingénieur Ross Brawn forment une hydre à trois têtes. Lorsque l'une d'elles est en difficulté, les deux autres viennent à son secours. Et cette approche marche à la perfection, puisqu'on a un total de 5 titres pilotes et constructeurs entre 2000 et 2004. Cette époque voit une guerre pneumatique aussi entre les deux seuls fournisseurs, Bridgestone et Michelin, les premiers travaillant en étroite collaboration avec Ferrari et Michelin, équipant tous ceux qui voulaient avoir une chance de battre Bridgestone et Ferrari. Mais pour pallier à cela, la FIA n'était pas contente et a décidé d'attaquer la faiblesse de Ferrari avec un nouveau règlement qui va les mettre en difficulté. Ce nouveau règlement, c'est l'interdiction de changer des pneumatiques entre la qualification et la course. Et pendant la course, bien évidemment. Cela permet à Fernando Alonso de prendre toute la lumière en gagnant 2 titres avec Renault et de prendre la relève de Schumacher lorsqu'il va prendre sa retraite fin 2006. L'Espagnol émerveille par sa constance et son intelligence de course, lui permettant de toujours prendre les meilleurs résultats possibles et de toujours éviter les ennuis en piste. Rival d'Alonso et pupille de Schumacher, Kimi Raikkonen prend les rênes rouges en 2007 après 2 échecs mondiaux avec McLaren. Kimi est considéré comme le pilote le plus rapide qui soit, avec des qualifications très impressionnantes et une agressivité chirurgicale en course, le tout avec une gestion des longs relais digne des plus grands de l'histoire. La fin des années 2000 voit aussi l'arrivée du prodigieux Lewis Hamilton, challengeant les deux autres dès sa première saison et prenant le titre pour sa seconde. Mais la fin des années 2000 voit aussi l'explosion d'appendices aérodynamiques, tous aussi improbables les uns que les autres, et pour limiter les perturbations aérodynamiques qu'ils généraient lorsque les voitures se suivaient, ces appendices sont bannis en 2009, ce qui permet de renouveler la hiérarchie pour la décennie suivante. Très bonne question, Valtteri. Effectivement, suite à des saisons désastreuses en 2009-2010 dans ces années-là, il y avait très peu de dépassements parce que les voitures arrivaient pas trop à se suivre et que les nouvelles stratégies pneumatiques à cause de l'interdiction des ravitaillements en essence faisaient que les Grands Prix étaient globalement assez chiants à regarder en piste. C'est pour ça que pour 2011, la FIA introduit le Drag Reduction System, le DRS, ce système encore aujourd'hui très utilisé qui permet, lorsqu'on est à moins d'une seconde de la voiture qui est devant nous, d'activer ce système et de gagner de la vitesse en ligne droite en relevant l'aileron arrière. Voilà, drague la traînée, ça réduit la traînée en ligne droite. Macht keine Sorgen, wir werden ganz kurz ihr Auto überprüfen, Sie können in Ruhe sitzen bleiben. Ich habe meine Jungs dabei, ja? Parler de renouvellement de la hiérarchie est un euphémisme, puisque seules deux équipes vont s'imposer de 2010 à 2021. 2010 marque un changement majeur du barème. En 2003, nous passions à un barème récompensant les 8 premiers, avec des écarts de points moins importants entre chaque place récompensant la régularité. Désormais, le top 10 marque des points avec plus d'importance accordée aux points du podium. 2011 est une nouvelle année de transition phénoménale, avec l'arrivée de Pirelli en tant que manufacturier pneumatique, qui a eu pour consigne de créer des gommes se dégradant rapidement pour créer plus de spectacles. Pirelli se fait ainsi de nombreux ennemis, mais offre en 2012 un début de saison inédit avec 7 vainqueurs différents aux 7 premières courses. Mais on leur demande de calmer le jeu en 2013, après des explosions à répétition à Silverstone. Après une incroyable lutte mondiale à 5 pilotes en 2010, c'est l'équipe Red Bull et le jeune Sébastien Vettel qui dominent sur 4 titres pilotes et 4 titres constructeurs consécutifs, avec une machine fonctionnant à merveille avec ses Pirelli. Jeune prodige devenant alors le plus jeune vainqueur de l'histoire dans une modeste Toro Rosso, puis encore à ce jour le plus jeune champion du monde de l'histoire, Vettel allie une éthique de travail irréprochable et un perfectionnisme maladif et scientifique focalisé sur ses télémétries. Mais la révolution de la décennie, c'est le passage à la réglementation V6 hybride turbo de 2014. C'est l'équipe Mercedes qui domine pendant 3 saisons, offrant une lutte interne entre Hamilton et son équipier Nico Rosberg. Le retour de la concurrence avec une réglementation centrée autour de l'aéro en 2017 n'empêche pas Hamilton et Mercedes de tout gagner jusqu'à 2020, avant que Red Bull ne relève le challenge en 2021 avec Max Verstappen, autre prodige de la boisson énergisante qui battra le record de Vettel du plus jeune vainqueur à l'âge de 18 ans. Je crois que j'avais même pas mon bac. La Formule 1 se renouvelle en cette saison 2022 avec une réglementation prévue pour corriger tous les problèmes causés par la règle de 2017 qui causait énormément de perturbations aérodynamiques et empêchait les voitures de se suivre. Mais bon, je pense pas que là t'as besoin de recontextualisation pour savoir comment ça se passe en 2022. La prochaine vidéo, ce sera peut-être sur l'histoire des contrats en Formule 1. Non, je déconne. Qu'est-ce que c'est chiant de se filmer au téléphone, je sais jamais où est l'objectif, je sais pas... Bon, ouais, c'est là. Il y a deux choses à dire avant de conclure cette émission. La première, c'est concernant cette chronique là que j'ai faite aujourd'hui. Elle va s'inscrire dans la lignée de choses qui pourraient prochainement suivre sur des trucs un petit peu plus historiques. Et notamment, vous ne serez pas surpris que dans les prochains jours... vos blablateurs de Formule 1 préférés se mettent tous à sortir quelques petites vidéos autour du même thème qui est celui des plus grands champions du monde de l'histoire. Voilà, j'ai lancé un petit jeu à quelques copains, et on va dire que les plus déterminés d'entre eux qui auront trouvé le temps et la volonté de participer risquent de sortir, voilà, sous les prochaines quinzaines, des vidéos sur ce thème-là. Ça fera partie d'un projet commun que j'ai lancé, j'espère que ça sera bien. Je doute pas qu'ils feront des bonnes choses, mais j'espère que l'idée vous plaira. Et ensuite, la seconde chose, voilà, c'est merci entre autres à tous ceux qui préfèrent me filer des thunes plutôt que de les mettre de côté sur un compte d'épargne. Comme ça, je peux continuer à payer des chemises à Valtteri. Et ensuite, voilà, cette chronique a pris beaucoup de temps à monter, beaucoup plus qu'attendu. Mais bon, c'est l'été, j'en ai profité pour me détendre. On est parti à la plage. Arrête, c'est ma casquette. Mais elle me va pas. Donc voilà. Merci YouTube et à très bientôt sur Internet. I'm a Canberra milk kid. From the time that I was old enough, my mum would pour a great big cup. And since then I've been drinking. It keeps my mind a thinking. Wherever I am, wherever I roam, the thing that always brings me home is the taste that I've been missing. The Canberra milk tradition. That's why I keep coming back to proudly wear my milk moustache. Cause I'm a Canberra milk kid.